Zonga, Boca Matayão, Juba. Bien fait n'a pas passé, ni kakata noizu, on a été dubiro voye, n'a moins n'a malobo. Bien fait n'a pas passé, ni kakata noizu, on a été dubiro voye. Yikoria, kundu na kwanga, simba yango na maboko, mi bale dubiro voye, n'a mokiri malembe. Yikoria, kundu na kwanga, simba yango na maboko, mi bale dubiro voye. Sala comparaison ya moi si anduma na moi si alibala dubiro voye. Sala comparaison ya moi si anduma na moi si alibala dubiro voye. Sala comparaison mon pari anduma mon pari alibala dubiro voye. Sala comparaison mon pari anduma mon pari alibala dubiro voye. Toco sans éteindre. Vous croyez-vous?